Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père, il a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu dois faire. Dans ton 30 mètres carrés, il y fait froid en hiver. Tu te surprends à rêver de devenir propriétaire et d'avoir pour toi un petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, change de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sors en avortant. Et pourtant la nuit, tu te réveilles en pleurant, en rêvant ta vie d'une grande table entourée d'enfants. Tes arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans l'éveillé. Puis tes grands-parents, ils ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était le disco, c'est là qu'ils sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? T'es venu jusqu'ici, faut pas rester en cabanée. Heureusement, dans la vie, y'a des choses qui ne changent jamais. Enfile tes plus beaux habits, car ce soir on va te faire danser.